Des fers aux pieds, aux mains, au cœur, enfermée seule dans sa tête, elle parle à son journal, et ça fait 17 ans que c'est l'enfer. Oppressée comme dans du coton que tu aurais glissé dans un tout petit flacon, avec elle dedans, va plus respirer depuis 17 ans. Prisonnière. Pour trop bonne conduite qu'elle va se relâcher. Toujours tendue, stressée, toujours ce goût amer dans cette prison de fer. Prisonnière, y a plus qu'un pas à faire. Oh. Touchée, coulée, perdue, blessée dans sa cellule capitonnée. C'est toi qui l'as bouclée. Ça fait trop longtemps qu'elle est si seule. Au bout des doigts, ongles rongés, au bout du cœur, douleur saignée, la flèche empoisonnée et la bien plantée. Prisonnière, prisonnière. C'est pour trop bonne conduite qu'elle va se relâcher. Toujours tendue, stressée, toujours ce goût amer dans cette prison de fer. Prisonnière, y a plus qu'un pas à faire. Oh. Elle a porté le poids de ses bras, elle t'a laissé briser ses rêves, mais pas pour bien longtemps. Les yeux sont grands ouverts, l'heure a sonné. Elle a bientôt défait ses chaînes. La cage que tu avais forgée n'a pas résisté après tout ce temps. L'oiseau va s'envoler. Prisonnière, prisonnière. C'est pour trop bonne conduite qu'elle va se relâcher. Toujours tendue, stressée, toujours ce goût amer dans cette prison de fer. Prisonnière, y a plus qu'un pas à faire. Prisonnière, prisonnière. C'est pour trop bonne conduite qu'elle va se relâcher. Toujours tendue, stressée, toujours ce goût amer dans cette prison de fer. Prisonnière. Y a plus qu'un pas à faire. Oh.